franceinter.com. Un demi-milliard d'euros de commissions et rétrocommissions et une demi-douzaine de morts suspectes. Voilà comment on pourrait résumer l'affaire des frégates de Taïwan que M. X a commencé à nous raconter la semaine passée. Mais il faudrait aussi ajouter l'amende faramineuse que la DCN et l'entreprise Thales, ex-Thomson, mais plus vraisemblablement le contribuable français, devront payer à Taïwan pour avoir mis en place un système illégal de commission. Et il y en aura pour des centaines de millions de dollars. Enfin, il faut souligner que le juge Van Ruynbeck, chargé d'instruire ce dossier en France, a fini par rendre une ordonnance de non-lieu après 7 ans d'enquête en 2008. Un aveu d'impuissance à cause en particulier des nombreux obstacles et l'utilisation abusive et permanente du secret défense qu'on lui a opposé tout au long de ses investigations. Conclusion, les corrompus peuvent dormir sur leurs deux oreilles et même, pour au moins l'un des intermédiaires, récupérer peut-être l'argent de la fraude bloquée en Suisse. Mais entre-temps donc, au moins 6 personnes qui avaient connaissance des secrets de cette affaire l'ont payé de leur vie. Monsieur X revient par conséquent sur ce scandale d'État où il est acquis que des hommes politiques de notre pays ont bénéficié de ces fameuses rétrocommissions, c'est-à-dire de sommes d'abord versées à des intermédiaires étrangers, mais qui sont revenues, au moins en partie, clandestinement en France. Pour commencer, je voudrais vous donner 2 chiffres. Le coût total de la vente des frégates, tel qu'il a été fixé par les contractants taïwanais et français, était en gros de 13 milliards de francs. Or, au final, le contrat se montra à plus de 16 milliards, soit une différence de 3 milliards. Oui, vous comptez bien. C'est l'argent des commissions ? Bah exactement. Une somme énorme, qui va bien au-delà des pourcentages généralement admis dans ce genre de commerce d'équipements militaires. Et encore, ce chiffre de 3 milliards est-il sous-estimé s'il faut en croire un homme qui connaissait bien le dessous des cartes, le célèbre Alfred Sirven. Lui a évoqué après son arrestation aux Philippines la somme colossale de 4,8 milliards, c'est-à-dire 30% du prix total, du jamais vu. Mais si je me souviens bien, à l'époque, c'est-à-dire au début des années 90, le paiement de commissions n'était pas illégal. C'est juste. Cette pratique n'est devenue interdite qu'après l'adoption en 2000 d'une convention signée par tous les pays de l'OCDE. L'Organisation de coopération et de développement économique. Ouais. Mais les contrats signés entre les Taïwanais et les entreprises françaises excluaient tout versement de commissions à des intermédiaires. Et c'est pourquoi alors Taïwan demande toujours, la condamnation de la France. Et une énorme compensation financière. Alors, maintenant voyons la genèse de l'affaire. Depuis que les nationalistes chinois du général Chiang Kai-shek, chassés par les communistes, se sont réfugiés à Taïwan, l'ancienne Formose... Et donc après la prise du pouvoir de Mao en Chine continentale en 1949. C'est ça. Donc depuis ce moment, Taïwan vit sous la menace de sa grande sœur chinoise. Car Pékin réclame sans cesse le rattachement de l'île. Et les dernières décennies ont été émaillées d'incidents plus ou moins graves entre les deux Chines. Taipei redoutant une invasion militaire. Ça a conduit naturellement les autorités de Taïwan à faire de gros efforts en matière d'équipement militaire. Mais souvent avec le soutien des États-Unis. Et malgré le caractère dictatorial du gouvernement de Taipei. Oui, mais ça s'est arrangé progressivement après la mort du fils du vieux Chang. Bon, en tout cas, même si les deux Chines ont noué des liens économiques, la tension n'a jamais cessé. Et à la fin de la décennie 1980 et au début des années 90, la période qui nous intéresse, Taipei craint toujours de voir l'armée populaire chinoise déferler sur ses côtes. Les généraux taïwanais décident donc de renforcer leur marine et ses capacités de surveillance du littoral. Et leur choix se porte sur des bâtiments construits par la France. Et les fameuses frégates de la DCN, la Direction des constructions navales. Oui, une société publique qui ne sera dotée d'un statut d'entreprise privée qu'en 2003. Et pourquoi ce choix des bâtiments français, là ? Parce que ces frégates de la classe, Lafayette, sont alors ce qui se fait de mieux. Pourvues des équipements les plus modernes, elles ont aussi la particularité d'être furtives. Oui, c'est-à-dire discrètes. Oui, leur carénage, leur absence de hublot et leur moteur sont étudiés pour réduire au minimum leur signature radar et acoustique. Ouais. Mais elles sont aussi très chères. Environ 1,3 milliard de francs l'unité. Et donc la DCN, à l'époque, c'est l'État français. Exactement, et ça pose quelques sérieux problèmes. À cause de la Chine populaire. Évidemment, Pékin risque de ne pas apprécier la vente à Taïwan d'engins aussi sophistiqués. Et d'ailleurs, François Mitterrand, qui n'a nullement envie de provoquer les autorités de Pékin, s'oppose au moins dans un premier temps à la vente des frégates. C'est pourquoi on va user d'une sorte de supercherie. C'est-à-dire ? C'est une société dotée d'un statut privé qui va se substituer à la DCN, Thomson. Ouais, mais c'est un faux-nez qui ne peut tromper personne, et surtout pas Pékin, puisque Thomson est alors une entreprise nationalisée. C'est juste. Et vous touchez là à un point essentiel qui explique peut-être pourquoi, au-delà de la question des commissions et rétro-commissions, cette affaire a généré autant de morts suspectes. Mais enfin, n'allons pas trop vite, j'y reviendrai. Ouais. Et pourquoi le choix de Thomson là, pour se substituer plus ou moins fictivement à la DCN ? Parce que la firme était spécialiste en équipement électronique. Oui, d'accord, mais enfin, c'est une chose que de fournir ces équipements et une autre de les installer sur un bateau. Vous avez raison. Mais justement, le patron de Thomson, Alain Gomez, voulait aller plus loin et participer à l'intégration de ces matériels. Il y avait là matière à satisfaire ses ambitions puisqu'il voulait lancer son entreprise dans ce secteur d'activité. Autre supercherie destinée à calmer Pékin. La DCN, associée désormais à Thomson, n'était censée fournir à la marine taïwanaise que des coques dépourvues d'armement. Ouais. Quand ont commencé les négociations ? Fin 1989. Il est alors question de l'achat de 6 frégates. Mais je vous l'ai dit, Mitterrand, en parfait accord avec son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, met son veto. Mais dans la coulisse, on s'agite. Hein. C'est-à-dire ? Bah, il y a de puissants intérêts en jeu, et on réfléchit donc aux moyens de contourner l'interdit de François Mitterrand. Et ce seront ces supercheries là que vous avez évoquées ? Oui, on va avoir tout un tas de lobbyistes et d'intermédiaires grenouillés pour faire aboutir l'affaire. Alors, essayons d'y voir plus clair. Traditionnellement, et même si les contrats qui seront signés entre les vendeurs et les acheteurs stipulent qu'il n'y aura pas de commission, on fait appel à des intermédiaires pour emporter ce genre de marché, ne serait-ce que pour graisser la patte des décideurs. Les acheteurs. Et aussi du côté des vendeurs, ceux qui s'opposent à la négociation. Oui, comme Dumas, par exemple. Certainement. La liaison entre le ministre et celle qui s'est elle-même appelée la putain de la République n'était pas étrangère à ce dessein. Mais vous le savez, si Dumas a été accusé, il a aussi bénéficié plus tard d'un non-lieu. Et je vous reparlerai de Christine de Viejoncourt, car elle a joué un rôle au sein du troisième réseau qui est intervenu au cours des différents épisodes de l'affaire. Il y en a donc eu deux autres. Oui, le premier, appelons-le réseau A, était animé par un certain Wang, André Wang. Oui, un chinois. Nommé familièrement Dédé ou encore Mister Shampoo, une déformation de son prénom chinois, Shuang Pu. C'est un ancien officier d'aviation qui a travaillé dans une compagnie aérienne financée par la CIA. Arrivé à Taïwan dans les années 60, il est devenu courtier en armes et, selon certaines informations, un spécialiste du blanchiment d'argent. Mais surtout, dans cette île riche qui fourmille de personnages corrompus, il a tissé un incomparable réseau de relations politiques et industrielles. Bref, pour un groupe qui veut faire des affaires à Taïwan dans le domaine de l'armement, Wang est un interlocuteur irremplaçable. Mais qui se fait payer très cher. Forcément, son entre-genre n'a pas de prix. Songez que dans un autre marché, celui de la vente des Mirages, on estime qu'il a touché une commission de l'ordre de 2,5 milliards de francs. Et je ne parle pas des missiles Matra vendus à Taïwan grâce à l'influence de M. Wang. Ouais. Mais est-ce que, dans ces négociations, là, Wang a tout gardé pour lui ? Bah, bien sûr que non. Il fallait à son tour graisser la patte de tous ces puissants personnages grâce auxquels il pouvait emporter des marchés en faveur de ses clients étrangers. Ouais. Alors, des Taïwanais ? Bien sûr, généraux ou politiciens. Mais il reversait aussi une partie importante de ses commissions à ceux qui étaient à l'origine du marché. Les Français, en l'occurrence. C'est-à-dire, par exemple, les hommes politiques ou les dirigeants de partis qui avaient donné leur accord à ces ventes d'équipements militaires. Et c'est ce qu'on appelle de ce vilain nom de rétro-commission. Un orfèvre en la matière. Roland Dumas a estimé que 70% des commissions attribuées à Wang étaient destinées à revenir en France. Ou plus exactement dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg ou des officines créées pour l'occasion pouvaient blanchir cet argent sale avant de le redistribuer. Ouais. De telles magouilles devaient donc être obligatoirement connues au plus haut sommet de l'État. Bien évidemment. Monsieur Wang y était très connu et il était persona grata. Lorsqu'il le fallait, il savait faire appel aux plus hautes autorités françaises si le paiement de ses commissions tardait à lui être versé. Pourtant, la fabuleuse carrière taïwanaise de Wang va subir un soudain et sérieux accroc lorsqu'on va découvrir au large de Taïwan le corps du colonel Yin, un officier de marine un peu trop fouineur. Rendez-vous avec X. Avant de revenir sur l'implication de M. Wang dans la disparition de cet officier taïwanais, je vous propose son portrait tel que deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, l'ont esquissé en 2004. Xuan Pu Andrew Wang a des manières de paranoïaque. Quand il consent à vous rencontrer, il s'occupe lui-même de démonter votre téléphone portable et d'en retirer la puce, histoire de ne pas être repéré par ses ennemis, et ils sont nombreux. Il ne souhaite pas non plus que ses propos soient enregistrés. Monsieur Wang, si prudent soit-il, ne ressemble guère à ce qu'il est. Un milliardaire accusé de divers crimes, rouage essentiel depuis 30 ans, d'une économie souterraine, celle des marchands d'armes et des contrats d'affaires à 12 chiffres. Assis dans le salon spartiate d'un grand hôtel londonien, il sait très bien à 76 ans qu'il ne fait pas son âge. Manifestement, il s'en délecte et attend le compliment qui vient immanquablement. Car l'homme est aussi d'une onctuosité toute asiatique. Il sourit souvent, rit un peu, adore raconter sa vie. Mais lorsqu'il s'agit d'entrer dans le vif du sujet, d'aborder les détails de son business, il se referme. Pas question, par exemple, de relater l'histoire des 6 frégates Lafayette vendues en 1991 par la France pour 16 milliards de francs, dont 3 milliards de francs de commission. Chuan Pu Andrew Wang est pourtant la pierre angulaire de ce marché, aujourd'hui passé à la postérité des scandales politico-financiers. Je vous ai parlé dans notre précédent entretien de Yin, cet officier retrouvé prétendument noyé alors qu'il n'avait pas d'eau dans les poumons. Assassiné en fait. Oui, ou tué à la suite d'un interrogatoire un peu poussé, même si les autorités taïwanaises ont essayé de faire croire le contraire. Le colonel, chargé des achats pour la marine de son pays, a donc découvert le système des commissions liées au contrat des frégates. Mais pas seulement. Et que voulez-vous dire hein ? Au cours d'un voyage qu'il a effectué à Lorient, là où la DCN construisait les frégates, il a pris note de quelques détails embarrassants qui n'étaient pas à l'avantage de la DCN. Des défauts de construction ? Bon, disons des anomalies. On verra ça un peu plus tard. Par conséquent, lorsque l'officier taïwanais est rentré chez lui, il était bien décidé à tout faire pour obtenir la rupture du contrat de vente. Et il a rédigé un rapport en ce sens. Et pour les contractants, là, ça risquait d'être catastrophique. Pour les contractants, mais aussi pour les intermédiaires qui voyaient s'envoler leur mirifique commission. En tout cas, on a supprimé le colonel Yin avant qu'il parle ou qu'il leur remette son rapport. Et presque forcément, parmi les commanditaires de l'assassinat, on a soupçonné Wang. D'autant que la dernière fois où Yin a été vu vivant, bah, c'était près de sa maison. Et m'avez-vous dit, Wang n'a pas tardé à fuir ? Oh, un départ très précipité, puisqu'il a laissé sur place bon nombre de ses biens. Ah, il est vraisemblable qu'il a été averti qu'il allait être accusé. Ça ne fait pas de doute. Ouais. Wang avait suffisamment d'amis haut placés pour être averti à temps, et il a filé. Et dans l'avion, vous m'avez dit aussi la semaine passée, il y avait un autre homme qui a lui aussi éprouvé un besoin subi de quitter Taïwan. Jean-Claude Albessard, le représentant de Thomson pour l'Extrême-Orient. Oui. Et c'est troublant tout ça, hein, parce qu'en tant que représentant des vendeurs des frégates, il pouvait lui aussi avoir un intérêt à l'élimination de cet officier qui menaçait de faire échouer cette belle construction. Alors, a-t-il joué un rôle dans l'élimination du colonel Yin ? Ou a-t-il fui parce qu'il a compris qu'il pouvait figurer parmi les suspects ? Je ne sais pas. Toutefois, lui n'a jamais été inquiété. Ouais, cependant, il est mort un peu plus tard dans des circonstances curieuses. Hein. Peut-être assassiné, oui. Ouais. Un des nombreux morts de l'affaire des frégates. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, André Wang est toujours recherché pour homicide par les autorités taïwanaises. Et en France, il a longtemps été sous le coup d'un mandat d'arrêt pour recel d'abus sociaux au détriment de la société Thomson. Oui, mais il est toujours libre. Hein. Et puis il y a le non-lieu là, prononcé par le juge Van Wynbeck. D'accord. Toutefois, il est aussi recherché par les Suisses, qui ont bloqué ses comptes sur lesquels ont été déposées une partie des commissions qu'il a reçues à l'occasion de la vente des frégates, mais aussi d'autres contrats. Ce qui n'empêche nullement Wang de voyager en permanence et de poursuivre ses activités. À noter qu'il a longtemps utilisé de faux passeports qui lui ont été procurés à l'instigation d'Alain Gomez, le patron de Thomson. Sans doute par un homme proche de Pasqua, Étienne Léandry. Ouh là là, quel mélange là ! Enfin, ça veut dire en tout cas que Wang bénéficiait de la confiance de Gomez. Absolument. Mmh. Le PDG de Thomson lui était reconnaissant d'avoir agi avec efficacité pour emporter le contrat des frégates. Mais on reparlera de Gomez, qui est l'un des hommes clés de ce dossier embrouillé. Quoi qu'il en soit, pour en finir au moins provisoirement avec la liquidation du colonel Yin, Il faut dire que le coup aurait aussi pu venir de tous ces militaires taïwanais qui avaient été corrompus par Wang. Et eux également pouvaient craindre pour leur commission. Bien sûr. Il aurait été certainement facile de faire appel à des tueurs comme ces membres du gang des bambous dont je vous ai parlé dans notre précédent entretien. Ouais. Vous avez dit que deux autres réseaux étaient aussi intervenus. Hein. Oui, le deuxième, le réseau B, est sans doute celui qui est resté le plus mystérieux. Il a vraisemblablement travaillé en parfaite coordination avec le réseau A, celui de Wang. Mystérieux pourquoi ? Parce que, comme dans les meilleurs romans d'espionnage, il a été animé par une femme, une Taïwanaise, Lili Liu, très introduite au sein du Parti communiste chinois. À Pékin. Ouais. Lili Liu, ça veut dire belle dame. Vous voyez où je veux en venir. Oui, elle usait de ses charmes pour obtenir ce qu'elle désirait. C'est possible, mais peu de gens ont eu la chance de la rencontrer. Ouais, une femme discrète. Quand même. Très, très discrète, oui. Et quel a été son rôle alors ? Contre une somme substantielle, plusieurs dizaines de millions de francs, elle a été chargée par Thompson d'approcher quelques hauts dirigeants chinois afin de les amadouer. C'est-à-dire fermer les yeux sur la vente des frégates à Taïwan. Et ne pas pousser des cris d'orfraie, c'est à peu près ça, oui. Et comme les charmes de Lili Liu ne pouvaient suffire à apaiser ces notables communistes, la belle a sans doute distribué quelques pots de vin. Du classique, en somme. Ces dirigeants ont donc été purement et simplement achetés. Et pourtant, le rôle de Lili Liu n'a pas dû s'arrêter là. Et c'est sans doute l'un des secrets de cette affaire. Mais je vous l'ai promis, j'y reviendrai. Vous voulez ménager vos effets, là. Hein. Écoutez, libre à vous de le penser. Je continue, donc. Il y a eu une intervention d'un troisième réseau. Oui, alors le réseau C. Et assez étrangement, il se superpose au réseau B, celui de Lili Liu. C'est pourquoi je suis persuadé que la belle taïwanaise n'était pas simplement chargée de corrompre certains dirigeants communistes chinois. Alors, ce réseau C, eh bien, il intervient dans l'affaire à la suite d'une initiative des autorités françaises. À quel niveau ? Peut-être le plus haut. Et à l'Élysée ? Oui. Pas Mitterrand lui-même, mais enfin des gens de son entourage qui interviennent comme des lobbyistes du groupe Thompson. Gomez avait le bras long. Ancien membre du PS, c'était un proche du ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Mais après tout, peu importe, l'essentiel demeure que l'on ait fortement suggéré à Thompson et à la DCN de faire intervenir les contacts de la compagnie Elf afin de débloquer la négociation sur la vente des frégates. Ouais. Et le blocage, c'est la volonté du président Mitterrand de ne pas mécontenter Pékin. C'est ça. Donc, il faut agir dans deux directions parallèles. Obtenir, d'abord, que les autorités chinoises ne s'opposent pas frontalement à la vente des frégates en menaçant la France de mesures de rétorsion. Et du même coup, arriver à lever le veto de François Mitterrand. Mais pourquoi Elf ? D'une part, la compagnie pétrolière était réputée pour avoir de très bonnes relations avec les dirigeants de Pékin. Et d'autre part, nous en avons souvent parlé, elle possédait un véritable service secret qui, à l'occasion, pouvait agir discrètement quand les organismes officiels ne voulaient pas opérer directement. Et c'est là où on va voir apparaître l'incontournable Alfred Cerven. Cerven qui était le numéro 2 d'Elf. Et l'homme des manœuvres obscures, oui. Depuis la filiale internationale d'Elf, basée à Genève, il peut acheter tel ou tel et distribuer généreusement l'argent de la compagnie, sans oublier bien sûr de se servir au passage. Quand il lui est demandé de s'occuper de l'affaire des frégates, il n'hésite pas une seconde, car en cas de succès, lui et les membres de son réseau toucheront 1% du marché, soit au bas mot 160 millions de francs. Ouais, ça c'est un argument qui compte, hein. Et c'est Thompson qui paiera. Naturellement, mm-hmm. Également la DCN, son associé. Et quels sont les contacts alors de Cerven en Chine ? Le numéro 2 d'Elf compte se servir d'un certain Edmond Quan, un Chinois naturalisé américain, qui affirme avoir gardé de précieuses relations en République populaire de Chine. Son oncle a été vice-président de l'Assemblée nationale et son cousin est maire de Shanghai. Mais avant même d'actionner ses contacts, Quan, en parfait accord avec Cerven, crée une société suisse, Frontier AG, qui sera chargée de percevoir l'argent de Thompson. Ouais. Mais ne met-il pas la charrue avant les bœufs, là ? Ça, je ne sais pas, mais c'est l'existence de cette société qui va attirer pour la première fois l'œil de la justice sur l'affaire des frégates. Pourquoi ? Parce que les gens de Thompson auront la conviction que l'intervention de Quan a été inutile et qu'ils refuseront de payer l'intermédiaire lorsque celui-ci le leur demandera. Ils auront même, soyons clairs, l'impression d'être victimes d'une escroquerie. D'où le dépôt d'une plainte et l'intervention de la justice. Bon, pour en finir avec cet aspect de l'affaire, je peux vous dire que dans un premier temps, Thompson sera condamné par une cour d'arbitrage internationale à payer Kwan. Ouais, pour non-respect des contrats signés. Mais beaucoup plus tard, en 2009, une autre juridiction annulera ce jugement. Et la société Thales, qui a succédé à Thompson, n'aura pas à payer Kwan et les héritiers de Sirven. Ah oui, parce que Sirven avait des billes dans cette société. Bien sûr. Je vous ai dit qu'il ne s'oubliait jamais. Mais maintenant, je voudrais en venir à l'autre aspect de l'intervention du réseau Elf. L'obtention de l'accord du gouvernement français à la vente des frégates. Un épisode où nous allons rencontrer Christine de Viejoncourt. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Quelques détails sur Alfred Sirven, l'homme par qui le scandale est arrivé. Alors qu'il est en fuite, l'Express le présente ainsi en 1999. Sirven, c'est surtout celui qui alimentait, sur les fonds d'Elfes, les élus, les hommes politiques et les personnalités de tous bords, avec un objectif, qu'ils deviennent ses obligés, pour être redevable à la compagnie. C'est-à-dire que, s'il est retrouvé, s'il parle, ce Méphistophélès des temps modernes, qui savait user tantôt du charme, tantôt de la menace, risque de faire trembler la République. D'autant que la puissance financière d'Elfes lui permettait de corrompre à sa guise. Lors de la présidence de Loïc Le Floch-Prigent, de 1989 à 1993, Sirven a géré une manne faramineuse de 3 milliards de francs. Et un peu plus loin, le magazine décrypte l'ascension de Sirven au sein de la compagnie Elfes. Sirven travaille, beaucoup. Dans les premiers mois, il s'occupe exclusivement des relations sociales du groupe. À cet effet, il gère une caisse noire de 10 millions de francs destinée à préserver la paix sociale. Et très vite, ce petit jeu le lasse, car Sirven est frappé d'une mégalomanie galopante à la mesure de la puissance d'Elfes. L'ancien chef du personnel de Moulinex a dorénavant une vision planétaire du monde. L'Afrique, les réseaux de l'ombre, le financement des élus, des amis, les grands contrats à négocier. Pour devenir un authentique vice-roi, il quitte au bout de 6 mois la tour Elfes et s'installe sur son territoire, les locaux de la fondation Elfes, rue Christophe Colomb, à Paris. Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, est hostile à la vente des frégates. Ouais, tout comme François Mitterrand. Et pour la même raison, ne pas se fâcher avec Pékin. Pour arriver à ses fins, Sirven, la tête pensante de ce que j'ai appelé le réseau C, doit donc faire en sorte que Dumas change d'avis. Et il va utiliser pour cela Christine de Viejoncourt. Alors je ne sais pas si c'est Sirven qui l'a jetée dans les bras de Dumas ou si elle était déjà la maîtresse de ce dernier quand il a décidé de se servir d'elle. Et puis ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais attendez, moi si je me souviens, car moi aussi j'ai suivi cette affaire, je crois qu'elle avait déjà une liaison avec Dumas. Enfin, ce qui compte, c'est que de Viejoncourt va effectivement essayer d'influencer son amant de ministre et aussi de lui soutirer des informations confidentielles destinées à Sirven. Mais de l'espionnage sur oreiller, en quelque sorte. Et pour se mettre la belle de son côté, Sirven emploie de grands moyens. D'abord, il l'a fait engager chez Elf. Un emploi plus ou moins fictif. Bien entendu. Et ensuite, il lui fait miroiter le versement d'une superbe commission. Et ça commence avec la mise à sa disposition d'un grand appartement situé dans un beau quartier de Paris. Cet appartement rue de Lille, je crois, où Roland Dumas va prendre ses habitudes. Pendant, La vraie question est celle-ci. Christine de Viergencourt, en jouant de ses charmes et en faisant de nombreux cadeaux à son amant... Ah, vous pensez aux statuettes ou aux chaussures qu'elle lui a offertes. Ouais, bah, oui. Donc, est-elle arrivée à ses fins? C'est-à-dire, a-t-elle obtenu que Roland Dumas change d'avis? Eh bien, il faut observer qu'à la suite d'un voyage à Pékin, voyage qu'il effectue avec sa maîtresse en mai 1991, le ministre des Affaires étrangères donne en effet son accord à la vente des frégates. Ouais. Donc vous pensez que Christine de Viergencourt a réussi? Je n'ai pas dit ça. Il se peut qu'au cours de ce voyage en Chine, Dumas ait su trouver les mots pour apaiser les dirigeants de Pékin. D'ailleurs, il a profité de ce voyage pour leur annoncer une aide économique de la France. Ouais, donnant. Pourquoi pas? Et puis si Dumas se déclare favorable à la vente des frégates... Il a sorti cet avis d'une réserve. Les bâtiments doivent être livrés à Taïwan sans équipement offensif. Enfin, il faut observer que Roland Dumas, mis en examen dans cette affaire, sera relaxé au début des années 2000. Innocenté, donc. Tandis que Christine de Viergencourt sera, elle, assez lourdement condamnée. Mais moi, je reviens au changement d'avis de Roland Dumas, là. Il n'a pas pu faire cette déclaration-là sans avoir eu le feu vert de l'Élysée. C'est certain. Donc Mitterrand aussi a changé. Oui, ça me semble évident. Mais comment l'expliquer? Les raisons sont multiples. Et l'une d'elles tient à ce secret que je vais vous révéler dans un instant. Mais il faut aussi dire que l'Élysée est l'objet d'une campagne inouïe. Que voulez-vous dire, là? C'est fou le nombre d'hommes politiques qui éprouvent soudain le désir de se déplacer à Taïwan et qui reviennent de la petite Chine avec la conviction qu'il faut donner satisfaction à Taipei. Et ils le font savoir à Mitterrand. Bien entendu. Ouais. Et qui sont ces politiciens, alors? Il y a beaucoup de socialistes, mais aussi quelques hommes de droite, dont certains sont des amis personnels du président. Et tous font remarquer que pour la bonne santé du commerce extérieur de la France, il serait stupide de ne pas donner suite à un contrat aussi important. D'autant, disent-ils, que si notre pays ne vendait pas ses frégates, d'autres pays, comme la Grande-Bretagne par exemple, s'engouffreraient dans la brèche. Et vendraient des bâtiments semblables à Taipei. Hein. Enfin, plus subtilement, certains rétorquent que la Chine populaire, durablement affaiblie après la répression des Tiananmen, ne fait qu'agiter un sabre de bois en protestant contre la livraison à Taïwan des frégates. Et pour cela, il ne fait nul doute que Pékin finira rapidement par se calmer. Donc si je vous ai bien entendu, là, c'est une véritable action de lobbying en faveur de Taïwan que mènent tous ces personnages. Oui, c'est la vérité. Et parmi tous ces lobbyistes, on peut imaginer que certains étaient très intéressés. Et aspireraient donc à être les futurs bénéficiaires des rétrocommissions. Ça me semble logique, en effet. Oui. Alors par conséquent, pour connaître les noms jamais divulgués, des personnes qui ont touché, il faut peut-être consulter la liste de ceux qui ont fait le voyage de Taïwan au début des années 90. Ça, c'est une excellente idée. Tous ne s'y trouvent pas, mais un certain nombre, oui. Cependant, je voudrais revenir à l'homme qui a pesé de tout son poids pour obtenir la vente des frégates. L'homme aussi qui a été le dispensateur de cette formidable manne financière. Ouais, je vois, c'est le patron de Thomson. Alain Gomez, oui. Une forte personnalité qui est restée à la tête du groupe pendant 14 ans. Un record absolu pour un PDG d'une entreprise nationalisée. C'est d'abord un homme de gauche. Un socialiste, oui, fondateur avec Chevènement d'un courant de gauche du PS, le CRS. Mais il ne va pas tarder à changer de bord. Parce qu'il devient patron. On peut le penser. Et puis quand on atteint ce niveau de responsabilité, il faut donner des gages aux uns et aux autres. Ouais, à gauche, à droite, oui. D'accord, mais il a exercé son mandat alors que la gauche était aux affaires. Ah, mais vous oubliez la période de la première cohabitation. Gomez se trouvait alors sur un siège éjectable. Il s'est alors trouvé beaucoup d'affinités avec le ministre de l'économie, Édouard Balladur. Et il embauchera son futur directeur de cabinet, Nicolas Bazire. Ça lui sera très utile lorsque commencera la deuxième cohabitation en 1993. Autre supporter de droite, le sénateur Jean Arthuis, qui fera adopter un amendement permettant à Gomez d'être renommé pour un troisième mandat PDG de Thomson. Et vous avez aussi cité le nom de Léandri, là, un proche de Pasqua. Pasqua, avec lequel il a toujours entretenu d'excellents rapports. Vous voyez qu'on est loin du socialiste des origines. Mais ce qui a surtout caractérisé la longue présidence de Gomez chez Thomson, c'est sa volonté d'orienter les activités de la société vers le juteux secteur des armes. C'est pourquoi il s'est dépensé sans compter dans l'affaire des frégates. Et quand je dis sans compter, c'est à dessein. Parce que c'est lui qui a distribué les commissions. Et il s'en est pas caché. Il a eu une expression assez plaisante pour expliquer son éviction par Alain Juppé de la présidence de Thomson en 1996. Racontez. Il a dit « J'ai beurré les deux tartines, J'ai oublié le jambon. Traduction. Hein. J'ai beurré les tartines socialistes et baladuriennes, mais j'ai oublié le jambon chiraquien. Ouais. C'est drôle, mais ça en dit assez long hein, sur les mœurs politiques. Alors j'en viens à ce grand secret que je vous annonçais. Et bien sûr, Gomez n'en ignorait rien. Peut-être même est-il à l'origine de cette manœuvre. La difficulté dans cette affaire des frégates, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est l'hostilité de Pékin. Il fallait trouver un moyen de la désamorcer, c'est ça? Oui. Alors qui a imaginé l'astuce? Gomez, peut-être, mais je pense aussi au service secret. Thierry Imbault, membre de la DGSE, se trouvait alors à Taïwan. Et le véritable travail de cet agent secret, qui trouvera la mort en 2000 dans de curieuses circonstances, était de veiller sur nos exportations d'équipements militaires. Aussi, je pense qu'il a dû avoir son mot à dire. Et il s'est sans doute servi de la belle Lady Liu pour engager les premiers contacts. Alors, soyez plus précis, là, de quoi s'agit-il? Au début de la décennie 90, mais je ne connais pas la date exacte, une très petite équipe d'ingénieurs de chez Thomson s'est rendue secrètement en Chine. Avec eux, ils avaient des dizaines de kilos de documents. Et que venaient-ils faire? Ils ont tout simplement livré aux Chinois des informations de première main sur les équipements électroniques qui allaient être installés sur les frégates de Taïwan, c'est-à-dire le fonctionnement des radars et les systèmes informatisés d'aide au tir des missiles. Alors par conséquent, les militaires chinois pouvaient prendre des contre-mesures pour rendre parfaitement inoffensives les frégates taïwanaises en cas d'engagement majeur. Ce n'est pas aussi simple, mais ça y ressemble. Et ça veut dire qu'à partir de ces informations, les Chinois pouvaient équiper leurs propres bateaux avec ces mêmes matériels. Et s'ils ont continué à protester, ce n'était que de la gesticulation. Mais pour Thomson, pour les Français, c'est une violation majeure du secret commercial. Et une véritable trahison vis-à-vis des acheteurs taïwanais qui payaient une fortune pour acquérir leur frégate. Vous comprenez maintenant pourquoi ce secret devait être protégé à tout prix? Je suis à peu près persuadé que le colonel Yin a été assassiné parce que d'une manière ou d'une autre, il a compris que les systèmes électroniques des frégates destinées à Taïwan étaient exactement semblables à ceux que possédaient les bâtiments de Pékin. C'était la preuve de la trahison. Et il a eu le tort d'en parler à ses supérieurs ou à Wang, et il a fallu par conséquent l'éliminer. Tout à fait autre chose encore que... L'édition de poche des Dessous de la France-Afrique, un ouvrage qui rassemble les entretiens de Monsieur X consacré à l'Afrique francophone, vient de paraître. On y parle beaucoup de ces présidents africains qui dissimulent chez nous leurs biens mal acquis. Et puis, un autre livre formidable, « Le jour où Gary Cooper est mort » de Michel Bouju, qui fut l'un des producteurs de l'émission culte « Cinéma, cinéma Bouju ». Rêveur de films, comme il s'appelle, raconte comment un jour de mai 1961, il a décidé de refuser d'aller combattre en Algérie. Refuser la sale guerre et donc déserter. C'est-à-dire, comme l'explique ce poète, claquer la porte au nez de l'histoire, l'envoyer paître dans les grandes largeurs. Il y a un avant et un après la désertion, écrit-il. Jamais plus, ils ne se rejoindront. Mais Bouju, 50 ans après, nous donne un bien beau livre publié par Rivage. Sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Je vous retrouve samedi prochain. Merci à Rebecca Denande qui a préparé cette émission avec Pierre Firion. Et puis à Michel Billoux qui l'a réalisée. Et à Monsieur Djoub.